Seigneur, j'ai tellement pleuré que même mes larmes ne veulent plus couler. Je tourne en rond, je sais plus où aller. Je suis en train de craquer, je crois que je suis plus normal. Seigneur, viens libérer mon âme enchaînée par l'obscurité. Je ne vois plus rien, toi seul peux m'éclairer. Oh viens, je t'en prie, viens. Car les rues de mon cœur sont taguées de tristesse et de détresse. Mes pleurs sont devenus des hymnes. Seigneur, je me noie dans l'abîme. Mais il n'y a que toi qui peut tout changer. Il n'y a que toi qui peut me consoler. J'ai besoin de toi, je n'ai que toi. Je reviens à toi, prends-moi dans tes bras. Seigneur, je suis fatigué, pieds et poings liés. Je ne peux plus lutter. Je fais semblant de paraître fort, mais au fond de moi, je suis plein de remords. Si seulement les gens savaient que je ne sais plus, je ne sais plus ce que ça fait d'être heureux. Je te l'avoue, j'ai oublié, mais il n'y a que toi qui peut tout changer. Tu es le seul, viens me rassurer. J'ai besoin de toi, je n'ai que toi. Je reviens vers toi, prends-moi dans tes bras. Oh, oh, oh, yeah, yeah, ne m'abandonne pas. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu voudras. Un sujet de joie pour toi. Un sujet de joie pour toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, j'ai besoin de toi. Tu connais mes peines, tu connais mon cœur, Seigneur. Oh. Tu connais ma vie, tu connais mon cœur. Oh, j'ai besoin de toi, je n'ai que toi. Tu es. J'ai besoin de toi. Oh yeah, yeah. Ne m'abandonne pas. Done.